Pour quelle raison, autre que la jalousie malsaine, les gens de Québec solidaire auraient quitté leur siège à l'Assemblée nationale lors d'un hommage à Paul Desmarais, alors qu'on rend hommage à un gars qui a pris ses millions et ses millions puis qui les a donnés à des artistes peintres, ouais, à des opéras, à des musiciens, ah, ben oui, à des artistes et des artisans de la province de Québec. Les hôpitaux aussi, hein? Les hôpitaux. Faut pas l'oublier, là. Mais non, les deux communistes de Québec solidaire qui étaient absents hier, me raconte-t-on. J'étais pas au Salon Bleu hier, mais mes espions me disent que Kadir puis David, là, les deux communistes, ils se sont levés quand on a honoré la mémoire de Paul Desmarais. Il était pas là, là. Ils ont pas parlé contre lui, là, mais il était pas là, là. Ça devait pas être pertinent de souligner que le Québécois peut-être le plus puissant sur la planète est décédé, là. Au-delà d'un manque de classe, il y a un manque de logique profonde là-dedans, là. Votre modèle du parfait Québécois, là, c'en est un gars qui réussit normalement, puis qui prend son argent, puis qui en donne au moins bien nanti en leur donnant des sécurités d'emploi, des opportunités. Les artistes, la même affaire. Je parle beaucoup des artistes, mais ça a l'air d'être une priorité pour eux autres, là. Je vous dis une affaire, moi. Si tous les hommes d'affaires qui font de la business au Québec et qui réussissent donnent le même pourcentage de leur fortune que Desmarais a donné à la culture, le gouvernement a plus besoin de subventionner personne, plus besoin de donner une scène. C'est une bonne chose, ça. C'est un festival là, de musique là, qui va mourir. Le festival des musiques militaires qui va mourir à Québec. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas une scène. Ils ont fait le tour des mécènes, puis des hommes d'affaires, puis du privé, puis sont pas capables d'avoir une scène. On n'a pas ça dans notre culture. Non, puis j'essaie d'expliquer aux ados chez nous que la véritable indépendance, c'est l'indépendance financière. Tu veux de l'indépendance? Arrête de dépendre de moi financièrement. C'est ça, t'as beau avoir 18 ans si tu dépends financièrement de quelqu'un. Tu sais, dans la vie, c'est comme ça, là. Puis politiquement, c'est pareil, là. Ceux qui veulent l'indépendance du Québec devraient comprendre qu'on a besoin de plus de Paul Desmarais, là, si on veut être indépendant un jour, ceux qui souhaitent ça, là. Pas mon cas, mais ceux qui souhaitent ça, là. Puis dans la vie, c'est exactement ça. Quand est-ce que t'arrêtes de dépendre de tes parents? C'est quand t'arrêtes de dépendre financièrement d'eux autres, ça. Ben oui. Fait que des Paul Desmarais, ça en prendrait peut-être un petit peu plus, là. Pour ceux qui veulent faire un pays avec le Québec. Là. Mais ça, hein, on vient toujours dans ces débats-là. Hein, les écologistes qui veulent sauver la planète, mais qui ramassent pas le bouteille vide. Les gens qui veulent l'indépendance d'une province, mais qui sont pas capables d'avoir leur indépendance, puis qui restent encore dans le sous-sol chez papa-maman rendu à 37 ans. Ça fait partie de nous autres un peu, ça. Un petit peu, pas mal. Oui, un peu beaucoup, là. Certificat cadeau, traitement anti-rouille chez Anti-Rouille Métropolitain.